tiempo y tus problemas, dejarlos ir, dejarlos ir. A cambiar de piel, a transformarnos como vampiros lunáticos, lunáticos. A alargar la noche hasta la madrugada y mañana seguir aquí, seguir aquí. Are you ready for the long and steady? Sur le rythme du AB, Hardy Rock Steady, Hardy Rock Steady. Et on prendra le contre-temps pour oublier tous nos soucis, tous nos soucis. Je vais changer de peau, devenir un vampire. Les filles sont si jolies, les filles sont si jolies. On s'agitera toute la nuit en attendant que le soleil brille, que le soleil brille. Are you ready for the